On a commencé une étude la semaine dernière sur l'évangile de Jean. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jean avait un but. Il avait un désir quand tu as écrit l'évangile de Jean. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ça se trouve à la fin. C'est comme le landau du livre. Ça se trouve à la fin. Jean, il a dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, oh, j'ai dit sachiez, c'est le verbe croire, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Ça, c'était le désir de Jean et... c'est encore le désir de Dieu, quand nous ouvrons les Écritures et l'Évangile de Jean, de connaître la bonne nouvelle, de croire que Jésus est le Christ. Et quand je crois que Jésus est le Christ, ça transforme ma vie et j'ai la vie abondante, éternelle, en son nom. Mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à croire à Jésus? Comment arriver? J'ai écrit ces choses afin qu'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, mais comment est-ce qu'on arrive à croire? Comment est-ce que les gens arrivent à croire? Comment les gens arrivent à faire confiance à quelqu'un sans le connaître? C'est difficile, hein? Comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut croire en quelqu'un si on ne le connaît pas? Et c'est pourquoi Dieu s'est fait connaître, et il s'est fait connaître en Jésus. Jésus, Dieu lui-même, est venu et il s'est fait connaître. Il a pris les devants, il est venu vers nous, comme en réalité Dieu le fait à tout le temps. Jésus a désiré se faire connaître. Jésus est venu à la rencontre de ses créatures. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les jeunes, les moins jeunes, il est venu vers nous pour nous donner une vie abondante et éternelle. Et l'Évangile de Jean va nous rappeler plusieurs connaissances, plusieurs rencontres avec diverses personnes qu'on va regarder dans les enseignements à suivre. Mais aujourd'hui, j'aimerais insister avec vous que Jésus y vient encore. À notre rencontre. Il vient encore à notre rencontre aujourd'hui. En fait, Jésus lui-même, c'est le point de rencontre. Jésus, c'est le lien, c'est le point de communication entre Dieu et les hommes. Vous voulez rencontrer Dieu, vous avez besoin de passer par Jésus. La Bible a dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il y a un seul Dieu, aidez-moi, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Pas Jésus-Christ qui est resté dans le ciel, Jésus-Christ qui est venu vers nous, qui est venu pour nous rencontrer. Et le dimanche matin, comme ce matin, on se rassemble. Pourquoi? On se rassemble pour le rencontrer, pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Jésus particulièrement, particulièrement à travers l'ouverture de sa parole. Particulièrement, on le rencontre. Et puisqu'on sait qu'il est ici, on le célèbre. On a chanté tantôt, pas juste pour que ça prenne 20 minutes avant le message, mais on a chanté, on a dit, « Seigneur, attire mon cœur à toi. Je veux te connaître. Je veux que tu me transformes. » Alors, il est ici, on est venu ici pour le célébrer. Et aussi pour entendre, pour qu'il nous rencontre à travers la parole. On aura la table du Seigneur ce matin, qu'il nous rencontre à travers la table du Seigneur. Et ma prière dans ces prochaines semaines qu'on va étudier l'Évangile de Jean, c'est que chacun on puisse réaliser que nous avons été rencontrés par Jésus. On est venu pour le rencontrer, puis il était là. On l'a rencontré, on a rencontré Jésus. On était visité par la parole de Jésus. On était touché par l'esprit de Jésus. Et on est sorti avec un désir d'être transformé par sa présence qui va nous accompagner jour après jour. Et ce matin, à travers l'Évangile de Jean, le chapitre 1, les 18 premiers versets, on va voir comment Jésus est venu à notre rencontre. Parce que Jean, il commence son Évangile et la première chose qu'il veut le faire, il veut nous présenter Jésus. Et on va regarder différentes caractéristiques. Jésus qui vient à notre rencontre. Alors, j'aimerais lire Jean, chapitre 1, les versets 1 à 18. D'abord, « Oh Seigneur, merci encore que tu veux nous rencontrer ce matin. Tu veux nous parler par ta parole. Tu veux venir à nous. Donne-nous des cœurs qui t'accueillent, des cœurs qui sont ouverts à ta présence, à ta parole, à ton esprit, afin, Seigneur, que tu puisses non seulement continuer de vivre en nous, mais que tu prennes la place, que tu en reçoives toute la gloire dans nos vies. Aide-moi, Seigneur, à communiquer ta parole simplement et clairement pour ta gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. » Alors, l'Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Oh, Jean veut nous présenter Jésus dans ses premiers versets. Il veut pas qu'on le manque. Alors Jean, il nous dit que Jésus est venu d'abord comme parole. Au commencement était la parole. Jean, il présente Jésus comme le mot grec « logos ». C'était un nom bien connu dans le monde grec qui voulait dire l'ensemble des choses, l'ensemble du monde immatériel qui vient, qui parle, qui communique avec nous. Jésus est la divine parole et le logos. Parce que voyez-vous, il nous dit premièrement que Dieu parle. Dieu parle. À travers les Écritures, dans l'Ancien Testament, on voit des centaines de fois « Ainsi parle l'Éternel ». Et ça, c'est spécial, parce que pour les anciens, les non-juifs, les non-croyants, Dieu, c'est des statues. Ça a des oreilles, mais ça l'entend pas, ça a une bouche, mais ça parle pas. Ça a des pieds, mais ça marche pas. Mais l'Éternel, c'est le seul Dieu qui parle. Au commencement était la parole. Nous avons un Dieu qui parle. Et ce Dieu Tout-Puissant, il s'est incarné en Jésus pour justement devenir sa communion, sa communication avec l'homme. Dieu désire communiquer avec l'homme et ainsi Jésus est parole. Jésus est parole divine. Le livre aux Hébreux, l'auteur il dit, dans les temps anciens, Dieu a parlé aux hommes de différentes manières, de différentes formes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Dans le texte grec, c'est « en », c'est pas « par », mais c'est « dans ». Il nous a parlé en Christ. Quand Jésus était là, Dieu parlait. Dans les derniers temps, il nous a parlé en Jésus. Et puis pour établir sa communication alors, avec sa créature, Dieu parle. Et il parle par Jésus. Jésus qui est parole divine. Qui est la communication parfaite de Dieu aux hommes, qui est le moyen essentiel d'avoir une relation personnelle avec Dieu, entre Dieu et sa créature, il envoie la parole. Au commencement était la parole. Le dernier verset, il a commencé avec « Au commencement était la parole », puis il termine son introduction au verset 18 en disant « Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais… » Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus, c'est le message même de Dieu. En Jésus, j'ai l'expression visible, j'ai la manifestation parfaite du Dieu invisible. Alors quand je vois Jésus, quand je rencontre Jésus, quand j'entends Jésus, en Jésus, c'est le Dieu qui est invisible, qui est immatériel, qui est éternel, mais il se manifeste de manière visible, de manière tangible, de manière terrestre. Dieu, Jésus est celui qui l'a fait connaître. Le mot pour faire connaître, c'est le verbe exégèse. On dit des fois, quand on enseigne, on doit expliquer la parole, on doit en faire l'exégèse. Mais le texte, c'est ce qui nous dit. Jésus est l'explication de Dieu. Jésus est l'exégèse de Dieu, l'explication parfaite du Père, qui va manifester la vie, qui va manifester la lumière, la grâce, la vérité aux humains. Dieu, le Fils unique qui est dans le Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Et alors, Jean, il commence à nous dire que Jésus est venu comme d'abord la parole divine. Il est venu aussi comme le divin créateur. Jean, il ne laisse pas d'ambiguïté sur d'où ce qui sort Jésus. Il n'y a pas de doute sur la nature de Jésus. Jésus, il est le Dieu éternel. Au commencement, qu'est-ce que ça dit? Était la parole. Je mets le commencement partout où ce que je veux, mais au commencement, quand le temps a commencé, là, Jésus était là. Était, avant ça, la parole. Dieu est éternel. Au commencement, il était déjà là. Il est un Dieu aussi personnel. Il est un Dieu relationnel. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était face à face avec Dieu. Elle était personnelle. Elle était relationnelle. Déjà, la parole avait des relations avec le Père. Dieu, Jésus est le Dieu éternel. Il est le Dieu personnel. Il est le Dieu qui veut être en relation. Il était avec Dieu. Et il était le Créateur. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Jésus est le divin créateur. Alors, quand Jésus vient à notre rencontre, c'est mieux que la reine, bien qu'elle soit très importante, 70 ans. Mais quand Jésus vient à notre rencontre, c'est le Dieu éternel qui vient à ma rencontre. C'est le Dieu glorieux. Il dit, nous avons contempler sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand Jésus est venu vers nous, nous avons rencontré le Dieu glorieux. Le Dieu qui est plus élevé que les cieux. Et ce Dieu grand, éternel, plus grand, plus haut que toute chose, il entreprend de rencontrer les humains pour que les humains soient restaurés dans leur relation avec le Créateur. Relation qui avait été brisée par le péché. Oh, ce matin, puissions-nous accueillir cette vérité-là, que ce grand Dieu éternel, il a pensé à Yves, il est venu le voir, il est venu le rencontrer, il a pensé à lui, il a pensé à moi aussi, ça a été une bonne, t'as bien content moi aussi qu'il pense à moi. Et ce grand Dieu, moi j'ai jamais rencontré la reine, elle est vraiment tellement importante, mais j'ai pas pris l'avion pour aller la voir, c'est une grande dame là, mais elle n'est jamais venue me voir chez nous, elle est venue au Canada plusieurs reprises. Mais Dieu, éternel, tout-puissant, élevé par-dessus toute chose, il entre dans l'histoire et il vient me rencontrer. Lui, pas Jésus. Au commencement était la parole, et la parole, à un moment donné, elle s'est faite chair. Elle est venue parmi nous. Oui, justement, on fête ça à Noël, mais on peut fêter ça tous les jours. Le Dieu, Jésus, est venu comme parole qui s'est faite chair. La parole a été faite chair. Le Créateur de l'univers s'est engendré. Il a été engendré, il n'a pas été créé. Notre credo dit depuis les premiers siècles, engendré, non pas créé. Il s'est engendré. Il n'est pas devenu homme en arrêtant d'être Dieu. Il a pris par-dessus sa nature divine, la nature humaine. Il s'est engendré. Les humains, ça l'engendre des humains. Dieu, ça l'engendre Dieu. Oh, j'aime Philippiens, chapitre 2. Il nous est dit que, Philippiens 2, 7, il dit que, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ 2,5. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il n'a pas commencé à chicaner, « Hey, je t'égale à toi, ben non, c'est qui va, c'est toi, tu le Père, c'est tu le Fils, c'est tu l'Esprit. » Il n'a pas eu de chicane, ce n'était pas une proie arrachée, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est engendré. Et dans les chants de Noël, je pensais cette semaine à un vieux chant qui date de plusieurs siècles, Adeste Fidelis, peuple fidèle, ô peuple fidèle, la la la la. C'est presque Noël, là. Mais dans ces beaux chants de Noël, il y a toutes sortes de belles vérités concernant Jésus. Ça dit dans ce chant-là que Jésus est splendeur pure et sans déclin du Père divin. Jésus est la splendeur pure et sans déclin du Père. C'est le roi des anges voilé sous un corps humain. Jésus n'a pas arrêté d'être Dieu quand il est venu ici-bas, mais il a revêtu le voile, le voilé sous un corps humain. Jésus est venu comme la parole faite chair, parce que c'était le désir de Dieu, ça. Dieu est venu habiter parmi nous. Et il dit dans le verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. » Le mot « habiter » ici, c'est le mot « monter sa tente ». C'est un tabernacle. Vous savez, le tabernacle dans l'Ancien Testament, c'était une tente, mais c'est le verbe tabernacler. Jésus est venu habiter parmi nous. Il est venu monter sa tente parmi les hommes. Il est venu habiter parmi nous parce que Jésus, il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Et quand Dieu, en Jésus, a désiré s'incarner, C'est parce qu'il a voulu venir partager notre humanité pour nous rencontrer. Il n'a pas voulu apparaître comme le Dieu dans toute la gloire qui nous regarde, nous, petites minuscules, petites souris en dessous, là. Parce qu'on n'aurait pas. Il a dit, non, je vais venir sourire avec eux autres. Je vais venir vivre avec eux autres. On raconte l'histoire d'un monarque perse qui était dans son palais, puis qui ne savait pas comment son peuple vivait. Alors, il a décidé de mettre du linge bien ordinaire, puis de commencer à venir vivre parmi son peuple. Et il s'est lié d'amitié avec un paysan. Puis après un petit bout de temps qui était amitié, il a voulu lui dire qui était. Il était le monarque perse. Il dit, faut que je retourne dans mon palais. Alors il dit, regarde, qu'est-ce que je peux te donner? Je peux te donner toutes sortes de richesses au paysan. Le paysan triste, il dit, non, tu es devenu mon ami. Garde tes richesses, reste avec moi. C'est ce que Jésus a fait. Il aurait pu rester dans son ciel, dans son palais d'ivoire, mais il est venu. Il est venu partager notre quotidien. Il est venu monter sa tente parmi nous. Il est venu habiter parmi nous pour nous rencontrer, pour nous restaurer notre relation brisée avec Dieu. Il est venu marcher avec nous pendant plusieurs années pour nous montrer à vivre, nous apprendre à vivre en communion avec le Père. Je peux regarder Jésus et je sais comment développer ma relation avec le Père. Et quand je le prie, quand je lui parle, Jésus connaît nos labeurs, il connaît nos fardeaux, il connaît nos douleurs parce qu'il est venu ici. Il est venu ici, il est venu habiter, il est venu monter sa tente parmi nous. Alors il connaît chacun de nos défis. Il partage nos joies, il partage nos peines. Il nous rencontre dans le quotidien. Il nous rencontre aujourd'hui, ce matin, dans le culte où on le célèbre. Mais il va me rencontrer demain matin quand je vais prendre ma douche. Il va être là aussi. Et si je le célèbre, si je le loue, si je le prie, il va m'entendre, il va être là. Il est venu placer sa tente parmi nous. Parce que c'est ce que Dieu a voulu faire de tout temps. On lit à partir de la Genèse, en Éden, dans le jardin d'Éden. Il marchait avec nos premiers parents. Le péché les a séparés, mais à un moment donné, il les a sortis d'Égypte et il a commencé à marcher avec eux dans le désert, dans le tabernacle. Il était présent dans le tabernacle du désert. Et après, David a eu l'idée, hey, moi j'aimerais qu'il marche avec moi, je vais lui faire un temple. Et Salomon construit un temple. Pour faire habiter l'Éternel qui dit, garde, j'habite pas vraiment dans des temples faits de main d'homme, mais je suis là, je suis avec vous. Parce que dans la tête de Dieu, son désir, c'était de venir, pas s'incarner, mais il devait venir vivre en nous. Il y avait le désir de venir vivant dans le croyant par son esprit. Imaginez. Dieu aurait pu être dans le temple de Salomon, de l'or, une grandiose. Et en réalité, il était là aussi. La Shekinah, la gloire, elle était là. Mais pour Dieu, c'était cheap, cette affaire-là, de temple de Salomon. Savez-vous où est-ce qu'il veut être? Il veut être en vous. Il est en vous. Le croyant a reçu ce grand Dieu glorieux en lui par son esprit. Jean écrit aussi l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dans le dernier, l'avant-dernier chapitre, au chapitre 21, au verset 3, où ce qui parle de la Nouvelle Jérusalem qui descend. Jean dit, « J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Voici le tabernacle, voici la tente de Dieu parmi les hommes. Il va habiter avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. Alors Jean nous dit, garde, quand Jésus est venu, on a contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Daniel disait tantôt qu'il l'attendait. Je pense au chant, voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. aux suprêmes grâces, au bonheur félicité, voir Jésus. Et c'est ce que Jean dit, j'ai vu Jésus, j'ai contemplé sa gloire. Dans 1 Jean, il dit, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu concernant la parole de vie, bien, on vous l'annonce, mais on a vu la gloire de Dieu à travers son Fils Jésus. Jésus est venu comme parole faite chair, comme Dieu qui monte sa tente avec nous. Et en étant venue parmi nous comme parole, elle est devenue cette parole source de vie, source de lumière, source de grâce, source de vérité, va nous dire Jean. Comme source de vie, Jésus, il va nous dire un peu plus tard dans Jean au chapitre 6, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ce Jésus, ce Dieu incarné, est celui qui communique la vie au monde. Il va dire dans Jean chapitre 5, verset 24, c'est Jésus lui-même qui va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, qu'est-ce qui lui arrive? Il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus, en venant, en s'incarnant, il est devenu source de vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus est source de vie, il est source de lumière pour les êtres humains. Jésus, c'est la lumière du monde, il est venu pour éclairer tous les humains, sans discrimination. C'est ce qu'il nous a dit. Il dit, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Le désir de Dieu comme source de lumière, c'était d'éclairer tout être humain sans discrimination. Il éclaire tous les humains et il les invite au salut. Parce que Dieu, en créant l'être humain, il a placé en nous un désir inné de relation avec lui. Quand tu as bâti la machine humaine, comme disait un philosophe passé, il a placé dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut remplir. C'est ça qui fait que nous avons l'image de Dieu. Nous avons une soif de connaître, d'entrer en relation avec l'éternité. L'auteur de l'Ecclésiaste, il dit, c'est ça, il dit, avoir la pensée, il a placé dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Tous les êtres humains ont ce désir inné de relation avec l'être suprême. Et quelquefois, ils ont fait toutes sortes de religions pour faire ça de façon humaine, alors que Dieu, lui, il descend vers nous et nous explique comment entrer en relation avec lui. La vie était la lumière des hommes. Et le texte nous dit que les ténèbres, le contraire de la lumière, les ténèbres du mal, les ténèbres du péché, les ténèbres de l'ignorance, ben, ils peuvent éviter, ils cherchent à éviter cette lumière-là. Ils ne veulent pas accueillir la lumière divine. Les êtres humains, nous ont dit plus tard, ils vont préférer les ténèbres à la lumière. Mais la lumière vient, la lumière brille. Et Jésus devient cette lumière qui va diriger son peuple dans les sentiers de l'amour, dans les sentiers de la paix, dans les sentiers de la justice. C'est cette lumière-là en Jésus qui nous montre comment vivre vraiment, comment vivre dans la vérité, comment vivre dans la sainteté. Et quand il brille sur le croyant, et ça nous prévient d'aller dans les ténèbres. Ça nous prévient de l'erreur. Ça nous montre la voie à suivre. Ça sécurise nos corps, nos cœurs. Pendant l'été, on recevait nos petits-enfants chez nous. On avait 10. Et souvent, on met une tente. Puis nos petits-enfants sont là. Puis on le met juste dans notre terrain. Puis on met la lumière sur la maison. Puis il y a de la lumière, mais... Nos petits-enfants, ils disent, « Papa, je vais avoir ta flashlight. Parce que là, quand tu vas dans la tente avec la lumière, soudainement, ça les sécurise. Cette lumière-là leur montre le chemin, mais ils vont dans la tente, puis là, ils ont papa, ils ont la lumière, ils ont la flashlight de grand-papa. Et là, ça sécurise. Jésus est ça. Jésus, cette lumière-là, quand il vient en nous, il nous sécurise, il nous dirige, il nous montre le chemin, il nous montre les erreurs à éviter. Jésus est venu comme parole, source de vie, source de lumière, et il nous est dit source de grâce et de vérité. Il est source, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Parce que c'est en comprenant Jésus que je peux vraiment contempler l'amour de Dieu, sa grâce à mon égard. C'est le fait que Jésus ait accompli la loi, et ainsi il peut m'offrir la grâce de son salut. Et en Jésus, je reçois toute grâce. En Jésus, je reçois toute la plénitude de Dieu. Il va nous dire, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Jésus n'a pas arrêté à me donner la grâce au moment où j'ai été sauvé, mais il continue jour après jour à me partager de sa plénitude, et grâce sur grâce. Ah, Jésus est venu. Il est venu comme parole divine. Il est venu comme parole faite chair. Il est venu comme parole qui donne la vie, la lumière, la grâce, la vérité. Il est venu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il voulait être rencontré. Il est venu vers chacun de nous. Et ce qu'il s'attend, c'est pas qu'on se détourne de lui, qu'on l'ignore, qu'on le rejette. Jésus est devenu ce qu'il n'était pas, pour que nous devenions ce que nous n'étions pas. Jésus, Dieu, est devenu homme pour que nous, les humains, nous participions à la nature divine. Quelle merveille! Et savez-vous quoi? Bien qu'il soit venu, lui, plus élevé que les cieux, bien plus important que n'importe quelle personne qui peut vivre sur la terre, savez-vous la chose la plus bizarre qui est arrivée? Les gens, il y a des gens qui ne l'ont pas reçu. Incroyable! Incroyable! Pourtant, tous ne l'ont pas accueilli. Le texte nous dit, il est venu chez les siens. Dans le texte grec, c'est neutre. Ça veut dire qu'il est venu parmi la création. Dieu, le Créateur, est entré dans la création. Et Dieu créateur, il est venu aussi chez les siens, chez les juifs. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas revenu. Siens, c'est deux groupes différents. Un, c'est la création et l'autre, c'est son peuple. Il est venu parmi son peuple et son peuple, en majorité, ne l'a pas reçu. C'est terrible. C'est-tu décourageant? Mais il nous a dit non. Pourtant, il nous a dit, la lumière a prévalu au verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est difficile ce mot, recevoir. Ils ne l'ont pas reçu pour l'écraser. Les ténèbres n'ont pas été capables de se saisir de lui et d'y fermer la bouche, de l'empêcher de briller, de l'engloutir. C'est ça que le texte est en train de dire. La lumière est venue et les ténèbres n'ont pas été capables de l'éteindre, de l'engloutir. La lumière, elle a continué de briller pareil. C'est pour ça qu'elle vient chez nous encore aujourd'hui. Et cette lumière-là, encore, elle m'invite à le recevoir. Elle m'invite à l'accueillir dans ma vie. Elle m'invite à naître de Dieu. Elle m'invite à devenir son enfant. Elle m'invite à participer à sa nature divine. La lumière a prévalu. Les ténèbres ne l'ont pas écrasé. Les ténèbres n'ont pas été capables de l'engloutir. Et pour ceux qui vont recevoir, versets 11 et 12, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole faite chair, cette lumière du monde, ils ont été transférés de la mort à la vie. Ils sont renés. Ah, oh, c'est-tu un beau mot, ça? Ils sont renés. Ils sont nés de nouveau. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils ont été transportés dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Jésus, dans la famille de Dieu. Et ça, ils ont été transformés, transportés, transférés, pas parce que l'être humain était capable de le faire, c'était pas par la volonté de l'homme, c'était pas par sa puissance de l'homme, c'était pas par l'autorité humaine, mais c'était plutôt par la puissance et la volonté de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Dieu les a transformés, transférés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Et par la suite, ces enfants qui ont reçu la lumière, ils ont l'opportunité de continuer de rencontrer Jésus, la lumière du monde, de rencontrer Jésus quotidiennement. Et c'est mon fardeau, c'est ma prière, c'est ma question ce matin. Est-ce que je rencontre Jésus quotidiennement? Comment est-ce que je fais ça? Je fais ça par la parole. J'ouvre la parole. On a parlé ce matin de l'école du dimanche, un moyen le dimanche matin, mais tous les jours, est-ce que j'ouvre la parole? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous mangez tous les jours. Est-ce que vous rencontrez Jésus tous les jours? Le rencontrer par la parole, le rencontrer par la prière. Le rencontrer le dimanche matin aussi. Jésus a dit, lorsque deux, trois, quatre, cinq, se rassemblent en mon nom, qu'est-ce qui arrive? Je suis au milieu d'eux. Des fois, j'entends des prédicateurs à l'entrée qui commencent la célébration et disent, Seigneur Jésus, nous t'invitons parmi nous. Hey, tu l'as manqué, mon homme, il était déjà là. t'as manqué quand j'ai passé à la porte, certain, il était déjà là. Il a dit, lorsque deux ou trois sont réunis, ben je suis déjà là. Il est au milieu de nous ce matin. Il veut parler à mon cœur. Et il est présent aussi lorsqu'on partage aussi sa table, la table du Seigneur. Ma question ce matin, est-ce que tu l'as rencontré? Jésus, passe rencontrer Jésus aujourd'hui. Jésus passe en ce moment à la porte de notre cœur. Puis, il ne veut pas qu'on détourne la tête de la lumière. Il ne veut pas qu'on l'ignore. Il ne veut pas qu'on le rejette. Mais il veut qu'on l'accueille avec joie, avec gratitude. Vous savez qu'Apocalypse 3.20, c'est écrit à une église, à des croyants. Mais les croyants, ils avaient comme perdu de vue que Jésus était parmi eux. Et ils voulaient le rencontrer. Et Jésus, il dit, garde, je suis à la porte, puis je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. De son cœur. Je vais entrer, je vais le rencontrer, je vais souper avec lui et lui avec moi. Oh, que ce soit notre désir. Oh, Seigneur Dieu, merci encore ce matin. Tu es présent parmi nous. Tu es lumière, tu es source de vie, source de vérité. Seigneur, reçois l'adoration de nos cœurs. Et nous allons partager ta table, Seigneur. Rappelle-nous le prix que tu as payé pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Merci Seigneur d'être parmi nous. Apprends-nous à recevoir ta lumière pour en être transformés et pour vivre, pour marcher non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.